Mercedes-Benz. Mesdames, messieurs, nous faisons face à un alignement d'étoiles exceptionnel. Un phénomène rare. Mais professeur, aurons-nous les bonnes conditions pour les observer? Vous aurez les meilleures conditions. Et pour les observer, vous n'aurez pas besoin de lever les yeux au ciel. Du 10 au 20 septembre, Mercedes-Benz aligne ses plus beaux modèles durant les Star Days. 10 jours pour profiter de la boîte automatique offerte sur toute la gamme. Voir conditions sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Premier temps d'une série consacrée à certaines figures de l'internationalisme. Aujourd'hui, nous recevons l'historien Nicolas Hoffenstadt sur son livre « Le pays disparu, la RDA ». Demain, nous nous intéresserons à l'humanisme européen en nous demandant s'il y avait là un internationalisme. Mercredi, nous nous intéresserons à l'internationalisme universitaire. Et jeudi, eh bien, le documentaire de Romain Masson et de Séverine Cassard nous rappellera la naissance du mouvement ATTAC. Et aujourd'hui, eh bien, alors que lors de la fête de l'humanité qui se tiendra en fin de semaine dans la région parisienne, on devrait voir se monter, comme chaque année, le stand de Die Linke ou encore celui du journal Neues Deutschland, nous avons le plaisir de recevoir l'historien Nicolas Hoffenstadt, auteur chez Stock du pays disparu sur les traces de la RDA. Le résultat d'une déambulation allemande de 6 années à la recherche des traces physiques de ce pays évanoui, mais dont bien des Allemands se souviennent encore. Il va nous le raconter tout de suite. Denke ich an Deutschland, fallen mir Gedichte ein. Klingen große Namen raus aus totem Stein. Und in mir ist Schweigen wie nie gekannt. Hier bin ich geboren, das ist mein Land. Schreien. Fällt mir so viel Hass, Not und Elend ein, dann seh ich die Erde zur Asche verbrannt. Hier bin ich geboren, auch das ist mein Land. Un titre des Poudies, un des grands groupes de rock de la RDA, c'était en 1984 et le titre dit « Je ne veux pas oublier, tout est-il oublié, tout est-il oublié, tout ce qui fut autrefois » et c'est tout compte fait la meilleure métaphore pour pouvoir parler de votre livre. Nicolas Hoffenstadt, bonjour. Bonjour. Ça s'intitule « Le pays disparu sur les traces de la RDA » dans la collection Les Essais chez Stock. Vous êtes historien et d'une certaine façon vous brouillez les cartes parce que pendant que vous étiez sur France Inter avec Ali Badou cet été, en train de vous poser des questions sur la fin de la Première Guerre mondiale, alors que vous avez été reçu assez fréquemment ici même pour parler soit de la Première Guerre mondiale, soit du Moyen-Âge, qui est votre spécialité de départ, et bien maintenant, vous nous avez emmené sur les traces de ce pays disparu qu'est la RDA, un troisième thème, pourrait-on dire, dans votre œuvre universitaire, Nicolas Hoffenstadt. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce pays qui, d'une certaine façon, est en dehors de votre champ de recherche habituel? Oui, il y a... vous avez raison de souligner. D'abord, j'aime le renouvellement. Je pense que quand on a travaillé plus de 20 ans sur la Grande Guerre, il est bien aussi d'ouvrir de nouveaux questionnaires. Mais il y a en réalité une continuité dans mes travaux qui est assez forte. Il y a aussi, évidemment, des variantes et des renouvellements. Mais il y a une continuité, c'est que moi, j'aime l'histoire des lieux, j'aime l'histoire de plein air, J'aime l'histoire qui articule le passé et le présent et qui essaye aussi d'impliquer les gens d'aujourd'hui dans leur passé. Et si vous voulez, aussi bien pour le Moyen-Âge que pour la Grande Guerre, encore plus sans doute pour la Grande Guerre, j'ai toujours été sur le terrain. J'ai travaillé sur les champs de bataille, j'ai travaillé sur les monuments, et je ne cesse d'ailleurs de le faire, de me promener. Et ça m'intrigue toujours de voir ce qu'on fait au présent d'un espace public, ce qu'on fait au présent des traces et des restes. Oui, vous êtes intéressé par exemple à ce monument à Verdun qui avait été monté pour les morts allemands de Verdun et qui petit à petit finissait par se déliter parce que personne ne voulait payer pour la restauration de ce monument, par exemple. Oui, c'est s'impliquer aussi dans ce présent, dans ces traces du présent, tout à fait, y compris quand elles sont des enjeux politiques, comme ces mémoires allemandes assez compliquées de la Grande Guerre. Et ce qui m'a frappé, plus encore qu'en France, où j'avais déjà beaucoup arpenté de nombreux terrains, c'est en me promenant en Allemagne de l'Est, au départ tout à fait innocemment, c'est-à-dire pour des vacances, pour voir des amis, j'étais frappé par cet espace public qui était fait à la fois d'énormément de ruines, et c'est très frappant parce que l'Allemagne, c'est évidemment un pays économiquement extraordinairement puissant, on le sait. C'est un pays aussi qui est extraordinairement attentif à sa culture. Et quand vous vous promenez en Allemagne de l'Est, aujourd'hui, vous êtes frappé partout, il y a d'immenses ruines. Mais pas simplement des petites maisons abandonnées. Des vides. Des vides, absolument, des vides et des ruines. Donc vous dites, c'est tout à fait étonnant dans un pays qui a autant d'attention à sa culture, à son passé pour différentes raisons, et qui en plus économiquement a de gros moyens. Comment est-il possible que vous ayez dans certaines villes des dizaines d'entreprises en ruine, des dizaines d'anciennes maisons de la culture qui soient abandonnées? Et ça m'a frappé, y compris dans des villes ultra touristiques comme Weimar, qui est une des premières de celles que j'ai arpentées. Vous vous promenez dans Weimar, vous attendez évidemment les grandes images du romantisme allemand, les écrivains, etc. Éventuellement la République de Weimar, il y a des tas d'images associées à Weimar. Mais vous trouvez là aussi, à côté ou au milieu de la ville, des lieux abandonnés. Vous y trouvez des lieux en demi-abandon. Vous y trouvez aussi, et c'est ce qui m'a aussi frappé, de manière assez compliquée à cerner au départ, des traces du communisme, du trace de la RDA sous différentes formes. Et donc ce mélange à la fois d'abandon et de traces en milieu de l'Allemagne contemporaine de tout un déploiement statuaire communiste, je trouve ça assez fascinant. Alors, nous nous étions promenés à Sarajevo, tous les deux, au moment de commémorations du début du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et vous m'aviez emmené à un moment dans une cave en disant il faut qu'on descende là parce que un des membres du commando qui avait donc commis l'attentat de Sarajevo s'était caché pendant quelques temps dans cette cave avant de peut-être pouvoir s'échapper vis-à-vis de la police autrichienne. Et je m'étais dit, tiens, c'est marrant, ils m'emmènent dans une cave. Mais vous aviez déjà commencé à ce moment-là vos explorations urbaines, parce que ça s'appelle de l'urbex que vous avez fait donc du côté de l'ancienne Allemagne de l'Est, c'est-à-dire de pénétrer dans des lieux qui sont des lieux abandonnés. Et là, en l'occurrence, effectivement, cette cave, elle était ouverte au grand vent. Oui, ce qui me fascine aussi dans la capacité, c'est quoi une des capacités de l'historien finalement par rapport à un guide touristique ou par rapport à un simple promeneur? C'est que nous, on a la chance par métier de pouvoir consulter des archives, d'avoir le temps de le faire, d'être payé pour ça, d'aller voir des documents qui peuvent être rares ou compliqués à saisir. Et donc du coup, on peut saisir à nouveau le présent à travers cette recherche. C'est ce qu'on a fait ensemble à Sarajevo. C'est pas simplement refaire le parcours que tout le monde peut faire en suivant les plaques ou les guides qui expliquent partout où a lieu l'assassinat. C'est de se dire, à partir des documents dont on dispose, où est-ce qu'on peut encore découvrir des lieux qui peut-être sont à l'abandon, comme c'était le cas, oubliés. Et là, je crois que c'est un des métiers d'historien de faire jaillir, si vous voulez, ces traces au présent, et aussi pour les faire saisir par les habitants. Vous vous souvenez qu'on avait discuté avec le bibliothécaire de ce lieu, etc. Donc il y a cette idée aussi que le travail d'archive, le travail documentaire, le métier de l'historien, c'est aussi de faire regarder de nouveau ou autrement les lieux présents. Alors vous disiez histoire de plein air. Alors cette histoire de plein air que vous avez pratiquée pour cette ancienne RDA a quelque chose à voir, plus ou moins, avec la tentative qu'avait faite il y a quelques années. Il était venu ici à la Fabrique de l'Histoire pour en parler, Antoine Debac, quand il voulait donc faire la traversée des Alpes, c'est-à-dire faire de l'histoire marcher. Et effectivement, c'est un nouveau rapport, dites-vous, Nicolas Feinstadt, de l'historien au paysage au singulier et au paysage au pluriel, qu'il faut parcourir pour comprendre l'histoire, dites-vous. Oui, et je vois cette histoire de plein air sous différents aspects, et particulièrement en RDA. D'abord, l'histoire de plein air, c'est d'abord un outil pour nous, historiens. C'est-à-dire que c'est pas uniquement pour le plaisir de la découverte ou de l'anecdote, c'est de se dire finalement, Le passé s'est construit d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il en reste au présent et pourquoi c'est ça qui reste finalement? Pourquoi est-ce que c'est tel type de monument qui est arrivé jusqu'à nous? Pourquoi il est présenté comme cela aujourd'hui? Donc, je pourquoi dirais que d'autres le paysage monuments ne sont pas parvenus jusqu'à nous, sont oubliés. Donc, la première utilité du paysage pour l'historien, c'est évidemment en quelque sorte un outil documentaire, quelque chose sur lequel on travaille. Mais moi, je voudrais aller plus loin dans cette histoire de plein air que j'ai essayé de définir dans un entretien que j'avais fait avec Régis Mérand. Elle a aussi une fonction critique. Doublement. Elle doit nous permettre d'interroger le présent en disant qu'est-ce que le présent construit du passé. Et surtout, c'est le troisième élément et moi le plus important, alors là pour la RDA ça a été central, c'est une manière d'impliquer nos contemporains dans le rapport passé-présent. C'est-à-dire que moi, mon histoire de plein air, je ne suis pas tout seul à me promener avec mon appareil photo ou mon carnet de notes, je parle avec les gens. Je parle avec les gens dans les lieux, on l'avait fait ensemble à Sarajevo encore une fois, et on était resté plusieurs longues minutes à discuter alors qu'on avait une émission en cours. Donc, il y a cette idée d'impliquer les habitants, de reconnaître avec eux des traces, de voir ce qu'ils en savent, parce que parfois ils peuvent évidemment aussi nous apprendre des choses. Et en RDA, ça m'a énormément, dans l'ex-RDA, ça m'a énormément frappé. C'est un postier qui vous double et qui vous redouble sur un trottoir parce qu'il est en train de livrer le courrier et qui vous demande quand même ce que vous faites là, parce qu'à un moment, c'est un peu étrange. Et la première chose, vous lui expliquez, je suis universitaire, je travaille sur la RDA, et la première chose qu'il vous dit, c'est ça n'était pas si mal que cela. Exactement. Et ça, c'est une scène qui m'a frappé. J'y pense souvent. Ce croisement, effectivement, en fait, je le croisais parce qu'il était postier, donc il faisait sa tournée. On était à Francfort sur l'Oder, dans une rue un peu abandonnée où il y avait beaucoup d'anciennes usines de RDA. Il faisait sa tournée de postier tranquillement. Et nos déambulations avaient un peu le même rythme. Parce que moi, je m'arrêtais à chaque immeuble pour chercher mes traces. Et lui s'arrêtait à peu près à chaque immeuble pour distribuer son courrier. Donc, on a déambulé 4-5 fois à côté. Donc, à un moment, effectivement, ça devenait étrange pour lui. Et il s'est arrêté. Et très vite, il est arrivé lui-même à essayer de faire un bilan de la RDA, alors que je lui parlais assez vaguement de ma quête de traces. Et on a engagé une véritable conversation. Et c'est là où je vous disais qu'il y avait véritablement une histoire de plein air, parce que ce monsieur avait connu l'Allemagne de l'Est. Il avait vécu en Allemagne de l'Est. Il n'y a pas eu tant d'arrivées que cela. Et donc, il a commencé à me montrer les lieux de ce qu'il avait comme souvenir de l'ex-Allemagne de l'Est. Donc, on a fait ensemble la même rue. Et c'était assez extraordinaire. Il disait, là, d'ailleurs, il y avait un bureau de la Stasi qui était caché derrière des rideaux. Tout le monde savait que cette maison, qui aujourd'hui est une maison tout à fait ordinaire, un peu à l'abandon. Ensuite, on a parlé des différentes industries. Il y avait aussi une caserne, il y avait aussi un local syndical. Et donc, du coup, vous voyez, et lui-même, du coup, a engagé une forme de rapport au passé en discutant avec moi. Alors, ces traces, vous allez les chercher même volontairement, puisque vous avez parcouru plus de 200 lieux, des anciennes usines, des lieux à l'abandon, qui généralement ne sont pas fermés véritablement, parce qu'ils sont abandonnés, et vous pénétrez donc dans ces lieux à la recherche des traces physiques de ce qui a eu lieu ici quelques dizaines d'années plus tôt. Alors ces traces physiques, ça peut être des photos, ça peut être des objets que vous arrachez au lieu parce que de toute façon, il va être démoli. Et la plupart d'entre eux, d'ailleurs, ont été démolis entre le début de votre quête et maintenant, ou des dossiers d'archives personnelles. Et vous vous posez la question, au Nicolas Funstadt, de savoir ce que ça fait d'avoir dans les mains un dossier personnel d'une entreprise, par exemple, avec un de ses salariés, qui n'a pas été traité par un archiviste, mais que vous êtes le premier à récupérer et à emmener dans votre sacoche. C'est le centre, d'une certaine manière, de mon livre, ce que vous venez de décrire, cette exploration urbaine, qui au début était un goût. Moi, j'ai toujours aimé, comme vous le disiez tout à l'heure, ces lieux un peu à l'abandon, à découvrir. Et comme cela, j'en voyais partout lorsque je me promenais avec des amis dans l'ex-Allemagne de l'Est. Et puis la première fois, je suis rentré dans un hôpital à Schwerin, dans le Nord. Et puis ensuite, dans une usine. Et à l'intérieur, j'ai trouvé beaucoup de choses. Et notamment dans cette ancienne usine, c'était une brasserie, à vrai dire. J'ai trouvé un dossier sur le sol d'un de ses employés. Un dossier très personnel, puisque je l'explique, c'est le dossier d'un alcoolique qui a beaucoup de problèmes au travail. Donc, ce n'est pas simplement des données. Harry. Exactement. C'est un dossier où il se passe beaucoup de choses pour le personnage en question. Et donc, je me suis dit, c'est fascinant de rentrer dans une usine et de trouver. Alors, j'ai pensé que c'était peut-être une découverte de hasard, en disant, ben là, voilà, ils ont oublié un dossier, c'est pas rien d'original. Et puis, en faisant de nouvelles explorations urbaines, j'ai découvert des pans entiers d'archives. C'est-à-dire que dans certaines de ces usines de l'ex-Allemagne de l'Est qui ont été abandonnées, parfois juste après l'unification, parfois ça a été repris par une autre entreprise qui a essayé de prolonger les productions, vous trouvez parfois toutes les archives. C'est-à-dire que ça peut être des mètres linéaires, ça peut être des étagères entières. Vous trouvez des archives comptables, parfois qui remontent à l'époque nazie, parfois extrêmement personnelles. Donc effectivement, c'est un monde archivistique à l'abandon que vous découvrez en Allemagne de l'Est. Et c'est très troublant pour l'historien. Moi, j'ai été dans de nombreuses archives, aussi bien médiévales que contemporaines. Et ce qui me frappe toujours, comme sans doute beaucoup de collègues, dans les archives, c'est l'ordre. Vous devez avoir votre carte, vous devez vous présenter au comptoir, vous devez remplir des codes, ce qui est tout et à fait vous normal. Vous savez qu'il y a eu des désherbages des archives auparavant, qu'elles ont été classées, cotées, etc. Elles ont été classées parfois par les possesseurs, ensuite parfois par des archivistes, même parfois par plusieurs générations d'archivistes. Et puis certaines ne sont pas accessibles, il vous faut demander une dérogation, soit pour l'histoire médiévale parce que les documents sont en mauvais état, pour l'histoire contemporaine parce qu'ils recèlent des informations qui doivent être protégées. Bref, c'est tout un monde organisé. Et là, vous vous trouvez devant des archives à l'abandon, parfois dans la boue, parfois franchement très très sales, que vous pouvez emporter chez vous par camion entier. Et encore une fois, j'y insiste, ce ne sont pas simplement des archives de série économique, ce qui pourrait déjà être très intéressant, mais j'ai trouvé des dossiers médicaux extrêmement personnels, par série entière. J'ai même trouvé les dossiers dans une brasserie de Halle, des dossiers personnels qui étaient ceux de membres du Parti communiste de l'entreprise qui avaient été soumis à des procédures disciplinaires, donc des histoires de pédophilie, des histoires de manque au travail, bref, des choses très lourdes pour les personnes qui les ont subies ou commises. Et donc, du coup, là, vous êtes vraiment au cœur hein, d'un travail d'archiviste. Et ça, c'est à vous. Vous pouvez les emporter, vous pouvez les brûler, vous pouvez les laisser, vous en faites ce que vous voulez. Et en réalité, ça s'est répété d'une usine à l'autre. Et ça, tout de même, vous passez au-delà, comme vous passez au-dessus des murs pour rentrer dans ces usines, passez au-delà des règles de ce qu'on appelle l'urbex, puisque théoriquement, on doit laisser les lieux dans l'état où on les a trouvés pour garder la poésie du lieu. Et vous dites, moi, en tant qu'historien, je ne peux pas laisser ces archives dans ces lieux-là. Il faut que je les emporte avec moi. Et ainsi, vous redécouvrez la vie d'Aidroun, qui est comptable de la RDA. Vous redécouvrez la vie de Harry, ce chauffeur alcoolique, ou encore celle de Johannes Wellicht, qui est un commerçant, soit dans ces lieux, soit chez des brocanteurs qui les ont récupérés eux-mêmes et qui les revendent, Nicolas Feinstadt. Il y a un paradoxe, vous le dites, l'exploration urbaine est quelque chose de relativement illégal. C'est-à-dire qu'on rentre dans des lieux dont on ne sait pas finalement le statut juridique. Certains sont peut-être complètement à l'abandon sans propriétaire. D'autres, parfois, il y a un panneau qui dit clairement « vous n'avez pas le droit de rentrer ». Donc, on est dans un monde de l'illégalité. Parfois, certains urbexeurs vont même plus loin, ils vont dans des chantiers en construction, donc franchement illégal. Et en même temps, on veut définir des règles. C'est intéressant de voir qu'à la fois, on brise les règles, mais on en définit d'autres. Et parmi ces règles que les urbexeurs se donnent à eux-mêmes, il y a l'idée de toujours laisser les choses en l'état. Alors, c'est une règle que j'ai jamais respectée. Chaque fois que j'ai trouvé des objets intéressants, des archives ou quelque chose qui parlait du passé, je l'avoue, discrètement aux auditeurs, je les ai emportés. Je les ai emportés. Vous l'avez pas dit, vous le dites dans le livre, donc c'est pas c'est si vrai. Discret que ça. C'est pas si discret, je plaisantais à moitié. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'ai fait le choix, comme historien, j'ai réfléchi quand même du point de vue éthique. Je me suis dit, est-ce que j'ai le droit de le faire, moralement? Bon, physiquement, j'avais le droit, personne m'en empêchait, et je pense que même la police m'aurait arrêté et m'aurait pas embêté pour quelques dossiers d'archives. J'ai réfléchi, je me suis dit finalement, il y a 99 chances sur 100 que ces archives finissent par disparaître. Qui va aller dans la boue pour récupérer des archives d'un immeuble qui est ouvert depuis des décennies à tout vent. D'autant que certaines sont dangereuses à récupérer parce que les sols sont branlants, donc il faudrait même des processus. Quand bien même on voudrait les récupérer d'une manière institutionnelle, il faudrait les pompiers ou un processus de sécurité. Donc j'ai décidé d'emmener ce qui me paraissait le plus intéressant. Alors là, vous faites un peu une forme de sondage de hasard, ou alors vous dites, ben, je vais sauver ça et pas cela. Et puis, il y a une forme d'intuition hein, qui vous emmène assez vite vers ce qui paraît le plus original. À récupérer, par exemple, un extincteur est-allemand et à vouloir le faire rentrer en France et avoir des douaniers qui sont assez sympas pour vous dire « oui, vous pouvez partir avec votre extincteur dans votre avion ». Oui, j'ai souvent trouvé une connivence avec les anciens de RDA, c'est-à-dire quand je leur parlais de mes petits péchés de ramener effectivement en France, il y a souvent des sourires, il y a souvent des amusements, voire une aide à les emporter comme si c'était une manière de sauver leur passé aussi. Faites à ces Allemands. Faites attention, parce qu'avec les processus de restitution des œuvres d'art qui sont peut-être qu'un jour en train d'être mis en place, voilà, ça va être compliqué pour vous. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Einen Doppelsteigenkrank. Und sie erzählt Un titre du groupe Silly, qui était un des groupes phares de ce qu'on appelait Lost Rock, donc justement mené par la chanteuse Tamara Danz, pour évoquer donc la RDA, ce pays disparu auquel vous consacrez un livre, Nicolas Schwenstatt, qui vient tout juste de sortir chez Stock. Alors, ce pays disparu, je vous ai invité parce que nous sommes dans une série sur les figures de l'internationalisme, et j'avais gardé en tête, et d'ailleurs beaucoup d'articles universitaires qui traitent de ce pays le rappellent, le fait que la RDA avec l'URSS étaient les deux pays phares de l'internationalisme prolétarien. Et je m'attendais à trouver beaucoup de traces de cet internationalisme dans vos recherches sur place, et tout compte fait, ça m'a surpris, on a plus de traces d'une sorte de patriotisme de la RDA que de son internationalisme qui était pourtant affiché en permanence avec des festivals de la jeunesse et des étudiants en 51, en 73, avec l'accueil des Chiliens donc après le coup d'État de Pinochet, l'accueil d'Égyptiens avec des Nassériens qui pourtant avaient été les bourreaux des communistes égyptiens et qui étaient accueillis en RDA, ou encore avec l'accueil de Vietnamiens où le travail avec les Vietnamiens pour reconstruire certaines villes qui avaient été détruites par la guerre du Vietnam. Tout cela, eh bien, ça n'est pas tellement présent dans ce que vous avez retrouvé comme trace, en l'occurrence, Nicolas Schwenstatt. Votre question est tellement riche que j'ai beaucoup d'entrées pour y répondre. Alors, je vais essayer d'en tirer les principales. D'abord, j'ai essayé quand même de le reconstituer à travers notamment quelque chose qui m'a fasciné, c'est quand on se promène dans l'ex-RDA, et notamment dans ces bâtiments abandonnés, en particulier les usines, ce qu'on trouve partout, ou dans les maisons abandonnées, c'est les traces, au contraire, de ce bloc de l'Est, oui, avec lequel on échangeait beaucoup, qui était évidemment un marché en soi. Il y avait le conseil, le CAEM, qui était un conseil d'entraide et d'assistance mutuelle, qui était en fait dominé par l'URSS, mais qui permettait d'organiser l'économie du bloc de l'Est. Et c'est comme ça qu'on peut retrouver un manomètre bulgare, par exemple, dans une des usines que vous ramenez avec vous, par exemple. Et c'est tout à fait cette démarche que j'opère, c'est-à-dire que partout dans ces usines abandonnées, je ramasse ce qui est trace de cet internationalisme prolétarien, de cette solidarité internationale. Donc c'est parfois des journaux étrangers, c'est parfois effectivement des productions qui viennent de Roumanie, de Pologne, pour voir... En fait, quand vous vous promenez dans l'ex-RDA, vous pouvez vraiment reconstituer une géographie économique et sociale du bloc de l'Est. Donc on retrouve quand même du vin hongrois. Donc vous voyez un petit peu quels étaient les échanges sur lesquels on mettait l'accent à l'époque. Ou des plaques en l'honneur de Dimitrov, par exemple, ou des statues en l'honneur de Dimitrov. Le grand héros, hein. Ce grand héros, voilà, bulgare, mais qui avait été accusé d'avoir participé à l'incendie du Reichstag. Et qui avait donc été jugé à Leipzig et qui était donc un héros du mouvement communiste international. Alors pour vous répondre sur le deuxième aspect, vous dites, bah oui, mais on trouve beaucoup de patriotisme. C'est toute l'ambiguïté de l'Allemagne de l'Est, et notamment à partir des années 1970, ça a été aussi de revaloriser un véritable patriotisme allemand. Et donc à ce moment-là... Patriotisme est-allemand en l'occurrence. Patriotisme est-allemand qu'on va vouloir de plus en plus allemand. Ouais. Alors comment ça se passe? Évidemment, le modèle d'ensemble, le cadre de pensée affiché de la RDA et de tout le bloc de l'Est, c'est l'internationalisme prolétarien. C'est le mot qu'on trouve évidemment, ou la solidarité internationale, j'y reviendrai. Mais il ne faut pas oublier qu'en face, il y a une Allemagne de l'Ouest. Il y a une Allemagne de l'Ouest qui prétend, elle, à l'héritage, évidemment, l'héritage allemand en général, aussi bien l'héritage culturel qu'intellectuel, économique et territorial. Donc face à ce concurrent permanent, qu'est l'Allemagne de l'Ouest, dans les années 70, la stratégie du Parti communiste, ça va être de dire, ben, nous sommes l'Allemagne, nous sommes la meilleure Allemagne. Nous héritons de ce qu'elle a de plus progressiste, c'est les mots qu'on emploie, et donc nous allons récupérer toutes les traditions allemandes progressistes. Et donc il y a vraiment l'idée de se penser en patriote allemand, d'une meilleure Allemagne, d'une autre Allemagne. C'est le mot qu'emploie Honecker dans ses discours, hein, en tant que patriote, etc. Donc il y a aussi cette idée... On peut revendiquer, dans cette même période des années 70, au moment du 500e anniversaire de la naissance de Dürer, on peut revendiquer Dürer comme étant quelqu'un qui précède d'une certaine façon, alors qu'effectivement, il n'a pas connu la naissance de la RDA, qui précède la naissance une véritable patrie allemande socialiste et internationaliste. C'est surtout le cas pour Luther que ça a été fait, parce que, évidemment, Luther, ça avait une importance fondamentale, parce que c'était une grande figure, hein, non seulement de l'Allemagne, mais du protestantisme. Et dans les années 80, en effet, il y a une promotion de la figure de Luther qui est extraordinaire et qui va surprendre les Allemands de l'Est eux-mêmes, parce qu'on leur avait plutôt dit que, bon, Luther, il y avait des dimensions progressistes, mais c'était quand même pas l'héritage de l'Allemagne de l'Est. Et donc, le grand héros de cette époque-là, du XVIe siècle en Allemagne de l'Est, c'était Thomas Münster, parce qu'il pouvait être pensé comme un révolutionnaire, c'était la guerre des paysans. La guerre des paysans. Voilà, donc on peut dire, là, c'était vraiment, en quelque sorte, les origines, hein, d'une forme de mouvement protestataire à la paysan, mais qui pouvait être en quelque sorte l'annonce du mouvement ouvrier plus tard. Et puis tout d'un coup, hein, au nom de ce nouveau patriotisme allemand repensé, de ce patriotisme qui se voulait finalement un nouvel héritage, on va promouvoir la figure de Luther. Et alors là, pour le jubilé en 1983, il va y avoir énormément de préparation, etc. Et du coup, tout un nouveau discours du Parti communiste en disant « Attendez, finalement, c'est aussi un héritage progressiste. » Et il va y avoir un petit jeu sémantique qui va être mis en avant par le Parti communiste à ce moment-là pour récupérer l'héritage allemand et souligner sa dimension patriote. Bien sûr, cet autre patriotisme, cette autre nation allemande, c'est la distinction entre l'héritage et la tradition. Erbe und Tradition. Alors, quelle est cette différence fondamentale qui va permettre d'articuler, c'est vraiment une réponse à votre question sur internationalisme patriotiste, il y a la tradition. La tradition, c'est ce dans quoi on s'inscrit directement. Donc, le mouvement ouvrier, les luttes, c'est-à-dire les grandes figures depuis le 19e siècle qui ont lutté pour le mouvement ouvrier. Et ça, c'est la tradition. On en hérite. C'est évidemment ceux qui sont les martyrs du nazisme. Ensuite, c'est Ernst Thälmann. C'est ceux dont on hérite directement. Et puis, il y a, un peu différemment, il y a l'héritage. L'héritage, c'est quelque chose, finalement, qu'on s'approprie de manière beaucoup plus distante et qui permet, du coup, de réintégrer toute l'histoire allemande la plus progressiste, par exemple, un certain nombre d'hommes des Lumières. On pourrait dire que c'est l'imaginaire historique de la RDA, d'une certaine façon. Exactement, c'est l'imaginaire historique de la RDA, mais qui du coup avance sur deux pieds à partir de ce moment-là. Le patriotisme allemand qui récupère ce qu'il y a de meilleur dans l'héritage, et l'internationalisme qui prend toutes les grandes figures du mouvement ouvrier, y compris quand elles sont étrangères, que ce soit le Bulgare Dimitrov ou d'autres héros, par exemple, de la guerre d'Espagne. Alors vous, avez pendant ces 6 années de travail en Allemagne, Nicolas Funstadt, vous avez fréquenté beaucoup de gens qui sont des anonymes par leurs dossiers, par exemple, ou par les discussions que vous avez pu avoir avec elles et avec eux sur le terrain. Et vous avez aussi fréquenté des manifestations qui, justement, tenter de faire revivre cette RDA disparue. Et il y en a une à laquelle vous consacrez un chapitre entier, à Bochum, je crois que c'est à Bochum. C'est dans l'ancienne Allemagne de l'Ouest, en l'occurrence, que se tient une manifestation d'anciens de l'Allemagne de l'Est qui, tous les ans, se retrouvent, et vous avez fait plusieurs années là-bas pour pouvoir essayer de comprendre ce qui s'y disait, se retrouvent pour pouvoir dire que l'Allemagne de l'Est était mieux que ce qu'on en dit à l'Ouest et ce qu'on en dit aujourd'hui dans cette Allemagne réunifiée. Et vous y avez trouvé des traces d'un certain internationalisme, parce que par exemple, un certain Lautaro Valdés, chanteur chilien exilé en RDA, parle de solidarité internationale et vient y chanter cette solidarité internationale comme une sorte de réminiscence de ce passé révolu. Ça, c'est un point qui est très important pour comprendre les discours de l'Allemagne de l'Est et ce qu'il en reste. Il y avait un discours qui était aussi une pratique fondamentale, c'était la solidarité internationale, la solidarité des peuples, Volkssolidarité, etc. Donc ça, c'était au nom de cette solidarité que l'URSS et la RDA vont reconstruire une ville, Vinh, par exemple, au Vietnam, sur des modèles qui sont des modèles, disons, urbains, tout à fait soviétiques. Et ça allait très loin, parce que c'était aussi, évidemment, le soutien à tous les peuples en lutte. Hein. Il faut rappeler que l'histoire de la RDA, évidemment, elle est contemporaine des mouvements de décolonisation, de toutes les luttes des peuples de ce qu'on appelait le tiers-monde. Et donc, on soutient, évidemment, tous les mouvements révolutionnaires partout dans le monde. Alors, quand ils sont défaits, on accueille ceux qui sont en exil. Et quand ils arrivent au pouvoir, on instaure avec eux, évidemment, des relations d'État à État. Un exemple, c'est par la Corée. Hein, la Corée du Nord, qui a été très soutenue par la RDA, justement, au nom de la solidarité internationale. Il y a eu des voyages des dirigeants de la RDA en Corée du Nord. On a fait venir des étudiants. Donc, ça, c'est fondamental. Et c'était fondamental dans la vie des gens. Alors, comment ça se matérialisait à l'époque en RDA? Par exemple, c'était les quêtes. Tous les gens qui ont été enfants en RDA racontent quasiment dans leurs souvenirs que... À l'école ou après, ils étaient obligés de faire des quêtes pour les prisonniers chiliens. Quand on revendait, on faisait du recyclage, par exemple, l'argent de ce recyclage pouvait aller en partie à l'action internationale aussi. Aux caisses de solidarité internationale qu'on avait dans chaque école. Donc on faisait des quêtes pour Angela Davis, on faisait des quêtes pour les prisonniers chiliens, on faisait des quêtes pour les mouvements ouvriers africains. Donc il y avait vraiment cette idée qui était ancrée au cœur des populations, que la solidarité internationale, c'était véritablement une dimension de l'internationalisme prolétarien et qu'il fallait donc la développer. Donc c'était considéré comme une pratique et pas seulement comme un discours. D'autant que à l'école, dès 1958, on enseigne qu'il faut à la fois éduquer à cet internationalisme prolétarien dans les classes. Les travaux d'Emmanuel Droit sur ce sujet sont là pour nous le rappeler. Et également au patriotisme socialiste. Donc il y a cette double façon de marcher dont vous parliez tout à l'heure. Oui, il y a aussi un certain nombre de limites qu'on voit dans les enquêtes orales, et d'ailleurs qu'on voit aussi dans le livre d'Emmanuel Roy que vous venez de citer sur l'éducation en Allemagne de l'Est. Il y a certaines limites. Il y a une double limite. D'abord, qui sont les étrangers qui sont massivement sur le sol de l'Allemagne de l'Est? C'est les Russes. Hein, donc la première lien international, c'est les Russes qui sont... parfois jusqu'à 400 000 hein, avec les troupes. Donc, si vous voulez, il y a déjà un lien direct. Ensuite, il y a les exilés. Par exemple, effectivement, les Chiliens qui vont être accueillis après le coup d'État de Pinochet, mais aussi des communistes iraniens, espagnols, bref, hein, tous ceux qui ont des soucis avec leur État, quel qu'il soit. Et en réalité, ce que disent certains, c'est que les relations n'étaient pas si simples et pas si empreintes d'internationalisme. Et notamment, les relations avec les troupes russes étaient parfois extrêmement distantes. Hein, et derrière les façades des grandes manifestations d'amitié entre les peuples, de l'amitié germano-soviétique, qui était évidemment valorisée, il y avait même une association pour cela, beaucoup de gens racontent qu'en réalité, ils n'avaient aucun contact avec les Russes, ou que c'était des contacts uniquement marchands et encore des contacts de, on pourrait dire, de petit trafic. Hein, on allait acheter des choses à la caserne parce que les Russes n'avaient pas toujours beaucoup de moyens. Et donc, c'était parfois vu aussi simplement comme des occupants. En réalité, dans la pratique, beaucoup de gens racontent que les liens avec les Russes étaient très faibles, voire inexistants, parfois tendus. Et puis, il y a d'autres endroits où étaient vendus ces objets que vous récupérez maintenant quand vous faites vos opérations d'urbex ou chez les brocanteurs. La foire internationale de Leipzig, par exemple. C'est un des lieux, évidemment, où vous aviez beaucoup de liens entre l'Est et l'Ouest aussi, parce que c'est là qu'il pouvait y avoir des liens. Et puis, il y a encore des lieux qui sont des traces de cet internationalisme. Il y en a un dont je parle que j'aime bien, c'est la République des Pionniers. La République des Pionniers, qui s'appelait Wilhelm Pieck, du nom du premier président de la RDA. C'est là où les enfants méritants passaient. C'était une forme de très grand camp de vacances, extrêmement prestigieux. C'était un bonheur d'aller au camp de la République des Pionniers. Il y avait un petit train, il y avait plein de jeux, etc. Et là, c'était aussi là qu'on pouvait accueillir des délégations d'enfants étrangers, où donc les enfants de la RDA pouvaient se mêler avec eux. Et donc, du coup, vous aviez ces lieux qui étaient faits pour mélanger, hein, en quelque sorte, hein, les enfants des pays frères. Donc, et c'est intéressant parce que c'est un lieu qui existe toujours comme camp de vacances, mais évidemment, beaucoup de ces traces ont disparu. Donc, il y a quand même encore en RDA, hein, que ce soit dans tous ces objets abandonnés ou dans un certain nombre de lieux qui avaient voulu promouvoir cette solidarité internationale, des traces visibles. Getzuir, un titre de 1974 du fameux groupe de l'Ostrock, qui était les Poudies. Nous parlons avec vous, Nicolas Funstadt, de votre dernier livre, Le pays disparu, sur les traces de la RDA, paru chez Stock, en ouverture d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux figures de l'internationalisme. Alors, ce qui est intéressant dans votre travail, c'est que non seulement vous essayez de récupérer les traces de cette RDA disparue dans le paysage en allant chez les brocanteurs, mais que vous essayez aussi d'analyser ce qu'on a fait de cette mémoire-là, à la fois pour ceux qui la valorisent, parce qu'ils considèrent qu'il y avait un avantage à vivre dans cette RDA où il y avait peut-être moins de liberté, mais la sécurité sociale, par exemple, et d'autres qui, au contraire, la cantonnent au minimum dans l'espace public. Et vous travaillez sur ce cantonnement, justement, par, disons, la réunification de ces traces physiques de ce pays disparu, la place qu'on laisse ou qu'on ne laisse pas aux anciennes statues, aux anciennes plaques, aux anciens monuments commémoratifs qui ont été les monuments commémoratifs de ce pays qui se pensait justement comme étant représentatif de l'ensemble de l'Allemagne avec ce patriotisme particulier qu'ils avaient. Oui, ce qui est assez fascinant quand on lit l'histoire de la RDA, c'est qu'il y a dans les années 50 la volonté véritablement de construire un nouvel espace public. De dire, jusque-là, c'est la bourgeoisie, les classes dominantes qui ont mis en avant leurs statuts, des statuts qui sont souvent militaristes, qu'on appelle revanchistes, etc. Et maintenant, disent un certain nombre d'intellectuels, d'historiens, de spécialistes du patrimoine, on va créer un nouvel espace public. Enfin, on va valoriser une contre-histoire, une histoire de lutte. On va changer la manière dont les gens vivent l'espace. Donc ça veut dire qu'on va mettre de nouvelles plaques, on va revaloriser les vieux lieux du mouvement ouvrier, parfois des lieux de lutte clandestine, hein, à l'époque où il y avait des lois antisocialistes. Bref, on va pouvoir raconter une toute autre histoire dans l'espace public. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire en partie. Ils vont réhabiliter un certain nombre de lieux, ils vont créer des maisons de la culture quand elles n'existent pas, ils vont créer des expositions à peu près partout sur l'histoire du mouvement ouvrier, des expositions orientées dans le sens du discours de la RDA, mais malgré tout des expositions d'histoire. Ils vont établir des sculptures, des mémoriaux, des monuments, des plaques. Donc il y avait un monde entier, en quelque sorte, qui était raconté dans l'espace public de la RDA. Évidemment, après l'unification, tout ce monde-là est très dévalorisé, parce qu'il est évidemment lié à l'échec économique de la RDA, à l'échec politique, à la dictature. Bref, on n'a plus tellement envie de voir les grandes statues d'Ernst Tennemann, le chef du Parti communiste à l'époque de Weimar. On n'a plus envie trop d'entendre parler Dimitrov, dont on se ruinait les oreilles des élèves. Bref, il y a une volonté que tout ça disparaisse de l'espace public. Alors, ces disparitions ont pris différentes formes. Il y a eu très peu véritablement d'iconoclaste. Ça a été montré par une chercheuse allemande récemment qui a dit « Attention, hein, on n'a pas cassé toutes les statues en Allemagne de l'Est, il en reste encore beaucoup. » Elle a raison. Hein, il n'y a pas eu véritablement de bris de démolition, ou en tous les cas, c'est rarement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a démontés. Il y a eu beaucoup de ventes, il y a eu beaucoup de petits musées privés qui se sont installés pour justement valoriser ce patrimoine-là, en tirer peut-être un petit profit, et surtout conserver les traces, pourrait-on dire, de ce pays disparu. Oui, et ce qui est frappant, du coup, c'est de comprendre finalement pourquoi certaines ont disparu, pourquoi certaines sont toujours là, et ce qu'en font les gens localement. Et c'est là où on voit que toujours l'histoire est toujours compliquée, parce que ça s'entremêle avec différents niveaux. Il y a bien sûr l'opposition RDA, Nouvelle-Allemagne, mais il y a aussi parfois des traditions locales. C'est-à-dire qu'une statue qui peut représenter un héros de la RDA peut aussi représenter un héros local. Un héros local, ou alors simplement un lieu autour duquel on avait l'habitude de se réunir. Moi, ce qui m'a frappé, par exemple, beaucoup d'auditeurs connaissaient sans doute ce lieu, ou connaissent en tous les cas son emplacement aujourd'hui, c'est celui de l'ancien palais de la République à Berlin, hein, au cœur de Berlin-Est, hein, ce grand palais avec des vitres couleur bronze. Nous avions consacré un feuilleton à l'époque à la démolition progressive de ce palais de la République. Tous les mois, on passait un petit extrait d'un reportage au long cours de la démolition future de ce bâtiment qui va être transformé en faux palais des Hohenzollern, c'est ça? Exactement, un nouveau palais en quelque sorte prussien. Mais pour beaucoup d'habitants de Berlin, voire de l'ex-Allemagne de l'Est, c'est évidemment un symbole du SED et de sa domination, puisque c'est là que siégeait la Chambre du Peuple. Mais c'était aussi une superbe construction avec des tas de bars, de restaurants, de jeux, de concerts. Donc ça représentait bien sûr la RDA, mais ça représentait aussi leur quotidien à ces Berlinois, parce que c'était fait pour être un centre de loisirs. Donc il y a aussi cette idée que certains lieux n'étaient pas seulement représentatifs du passé, mais étaient aussi représentatifs de la vie quotidienne. Et là, on voit aussi un certain nombre de mobilisations pour défendre ces lieux. Vous l'avez raconté dans votre série, mais il y a eu une mobilisation considérable pour défendre le palais de la République. Ça arrive aussi localement. Et j'ai même vu, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on réérige des statues qui ont été détruites. Parce que localement, on considère que ça fait partie du paysage public. C'est rare, mais ça existe. Oui, et puis effectivement, on peut s'étonner, puisque nous traitons de la question internationale et de l'internationalisme prolétarien, de la disparition d'un monument au communiste espagnol, Julius Grimaud, par exemple, qui avait été exécuté par le régime franquiste et qui témoigne aussi de la présence nombreuse des anciens communistes espagnols que nous expulsions de France en 1950, à partir de 1950, et qui retrouvent donc un pays en Allemagne de l'Est pendant les années entre 1950 et la fin des années 70. Et donc, cette statue de Julius Grimaud ou Julien Grimaud a quelque chose à voir avec cette présence des Espagnols dans la RDA. Oui, et ça pose la question aussi, c'est qu'évidemment, quand on a voulu démonter toutes ces statues, on a fermé les musées, ça c'est ce qui est peut-être le plus frappant, c'est le nombre de musées qui ont été complètement fermés, et les collections, peut-être parfois pas de grande valeur, mais malgré tout, ont été dispersées. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les arguments d'un certain nombre d'Allemands pour dire « oui, on n'a plus envie d'avoir des rues qui portent les noms des anciens communistes, qui sont symboles de l'Allemagne de l'Est », il y a eu une forme de xénophobie parmi ceux qu'on a démontés le plus rapidement. Il y a souvent les anciens dirigeants étrangers. Les rues Ho Chi Minh, Jacques Duclos, Maurice Thorez ont suscité beaucoup d'hostilité après coup parce que ça représentait un internationalisme dont on ne voulait plus entendre parler ou qu'on considérait comme factice. Donc on s'est débarrassé de ces rues parfois plus rapidement que celles des héros allemands. Et donc il y a d'un côté cette disparition, de l'autre côté les tentatives de raviver, vous êtes spécialiste de la Première Guerre mondiale, le ravivage de la flamme, vous savez ce que ça veut dire, et on voit bien qu'il y a des tentatives de raviver la flamme, mais qui ne vont pas très loin malgré tout, même si vous faites une sorte de cartographie extrêmement précise de ce que vous avez pu noter comme étant des endroits ou des lieux ou des personnes qui voulaient porter un autre discours sur la RDA que celui qui était généralement porté en Allemagne aujourd'hui. Oui, il faut quand même rappeler que même si Leonie Beiersdorf, qui a fait ce travail sur la disparition des statues, a constaté que finalement il en reste encore beaucoup, on est quand même allé très loin dans l'effacement des traces. Imaginez que dans certaines villes, je l'ai vu encore dans un de mes derniers voyages, on a débaptisé des rues qui s'appelaient la rue des victimes du fascisme. Donc les victimes fascistes ne sont pas uniquement, même si c'est un grand discours de la RDA, évidemment, ne sont pas uniquement un discours politique. Des victimes du fascisme, il y en a eu évidemment, on le sait, des millions. Donc quand une rue s'appelait le victime du fascisme, elle avait certes été baptisée par la RDA, mais ça disait quand même quelque chose sur l'histoire allemande. Donc vous voyez, l'effacement est allé quand même très très loin. Cette volonté de ne plus entendre ce vocabulaire, ce discours de la RDA, quitte à débaptiser des rues dont on peut considérer que les valeurs morales étaient encore très pertinentes pour la République de Berlin, c'est assez étonnant. Et donc du coup, il y a effectivement tout un noyau, on pourrait dire, de défense avec une gradation. Je dirais que d'abord, il y a ceux des anciens cadres du régime, des anciens membres de la Stasi, de ceux qui ont vraiment cru et qui, pour qui c'était la seule vie possible que la RDA. Ceux que j'ai étudiés en allant plusieurs années voir l'anniversaire de la RDA qu'ils célébraient à Bochum. Donc eux, c'est vraiment la nostalgie politique d'un régime qui leur correspondait, qu'ils veulent défendre et dont ils considèrent que les héritages sont encore valables pour aujourd'hui. Et ils ont un argument qui fonctionne de la manière suivante, c'est un triptyque. La RDA, c'était la paix. C'est le seul État allemand qui n'a pas fait de guerre, disent-ils, ou c'est l'État allemand qui n'a jamais intervenu à l'étranger. C'était la disparition du fascisme. C'était évidemment l'antifascisme comme politique d'ensemble et la protection sociale généralisée. Donc ils disent, vous voyez, on est encore très actuel. L'Allemagne commence à avoir des opérations extérieures de plus en plus, notamment avec les guerres de l'ex-Yougoslavie. Donc on intervient de nouveau, l'Allemagne fait la guerre. Nous, on faisait la paix. L'Allemagne, alors l'AFD, c'est pain béni pour cette argumentation. Vous voyez, cette nouvelle Allemagne, le fascisme, il revient. Et enfin, la protection sociale, il est facile d'arguer que la politique économique et sociale de l'Allemagne d'aujourd'hui n'est pas très protectrice. Et donc, Thomas Wieder, qui a relu d'ailleurs votre livre, vous remercier en conclusion de votre ouvrage, hier, qui se trouvait dans cette ville de Cotten, où il y a eu un assassinat d'un Allemand qui a donné lieu, là aussi, comme à Chemnitz, à une grande manifestation hier soir, disait qu'il pouvait témoigner que les chants étaient national-socialismus, revenaient dans ces rues de l'Allemagne, l'ancienne Allemagne de l'Est. Alors, cela, est-ce que ça vous surprend, Nicolas Elfenstadt, vous qui avez parcouru en tous sens, justement, cet espace géographique à la recherche des traces de la RDA, que ça soit là, et peut-être aussi ailleurs, ça n'est pas simplement sûrement là, qu'on voit renaître des mouvements comme des mouvements national-socialistes? Non, c'est pas surprenant parce que d'abord, ce n'est pas nouveau, c'est pas complètement nouveau. Je vous dirai après ce qui est nouveau à mon sens. D'abord, il faut rappeler qu'après l'unification, il y a eu de véritables pogroms contre des foyers de travailleurs, parfois d'une violence incroyable quand on voit les images. C'était le cas en 91. 92, donc juste après l'unification, c'était comme le cas. Comme il ne faisait pas bon non plus en URSS d'avoir fréquenté l'université Patrice Lumumba, par exemple. Donc il y avait ce mouvement-là, effectivement, à l'échelle internationale, à Hoyerswerda, dans la Saxe d'aujourd'hui, dans le nord de l'Allemagne, à Rostock, il y a eu donc ces pogroms véritables du début des années 90. Il faut rappeler ensuite que la Saxe, Chemnitz, donc la Saxe de Chemnitz, Dresde n'est pas très très loin, et cette adresse qui a été créée et lancée en 2014, ce mouvement anti-islam Pegida, qui était là aussi déjà une manifestation d'une remontée très puissante dans l'espace public de l'extrême droite. Et enfin, c'est là où l'AFD, donc ce nouveau parti de droite extrême qui aujourd'hui a plus de 90 députés, c'est là aussi où il a fait des scores tout à fait colossaux dans la Saxe. Donc vous voyez, il y a quand même une tendance qui est quand même très forte. Alors il y a un gros débat en Allemagne aujourd'hui qui est très passionnant, que j'essaye de suivre, qui est de dire finalement quel est l'héritage de la RDA dans ces violences d'extrême droite aujourd'hui. Il y a en gros deux positions qui s'affrontent. Il y en a une qui est de dire oui, il y a un héritage de la RDA dans le développement de l'extrême droite, il est double. D'une part, en RDA, on n'avait pas de culture démocratique, donc ces gens n'ont pas de culture démocratique, ils ne savent pas tolérer l'autre. Et donc, en quelque sorte, c'est une question de formation et de culture. Deuxième argument, tous les deux étant à mon sens contestables, le deuxième argument est de dire il n'y a pas eu de travail sur le nazisme sérieux en RDA, parce que c'était un discours officiel, mais pas un travail de mémoire. Autrement dit, on n'a pas expliqué véritablement les mécanismes du nazisme, on n'a pas expliqué ce que fut la Shoah. Et donc, du coup, il y a aussi un déficit de compréhension de ce qu'est le fascisme. Les deux arguments me gênent. Parce que d'abord, il y a toujours un peu cette bonne conscience des Allemands de l'Ouest qui explique ce qu'est la vérité. Qu'ils ont fait le travail. Voilà, qu'eux ont fait le travail, ce qui est plus compliqué. Et que, en quelque sorte, c'est un peu toujours des grands-enfants, les Allemands de l'Est. Vous voyez, il y a quand même cette idée, il y a toujours une forme de domination du discours de l'Ouest en disant on va vous apprendre ce que c'est que la vraie vie, que la vraie démocratie, que le vrai vivre ensemble. Alors évidemment, ça pose des questions et des tensions. Ensuite, c'est pas vrai que l'Allemagne de l'Est n'a pas fait le travail. Elle a mémorialisé les camps. On pouvait évidemment les visiter, ils étaient mis en avant. Elle n'a pas cessé de parler du nazisme et de l'antifascisme. Simplement, évidemment, elle a construit un discours qui est un discours ultra-politique qui avait pour but de valoriser la résistance communiste et qui avait pour but de raconter une histoire qui était celle de la grande geste du mouvement ouvrier luttant contre le nazisme. Alors, bien sûr, c'est pas une histoire scientifique, c'est un discours politique. Mais on peut pas dire qu'il n'y a pas eu une mise en avant de l'antifascisme. Alors, si on dit que la RDA a suffisamment influencé ses citoyens pour que leur comportement aujourd'hui lui soit redevable, dans ce cas-là, on comprend pas pourquoi ils n'ont pas hérité de cet antifascisme qu'on leur serinait depuis l'école jusqu'au tombeau final. Donc il y a une forme d'ambiguïté dans cette explication par la RDA. D'autres disent, et il y a un livre qui vient de sortir par une écrivaine et un professeur de sociologie de l'Est qui se sont alliés pour dire non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas la RDA, c'est ce qui se passe depuis 1990. Alors qu'est-ce qui se passe depuis 1990 ? Il se passe deux choses. L'une dont on vient de parler, c'est-à-dire l'écrasement symbolique de l'Allemagne de l'Est, en disant tout ce qui s'est passé en Allemagne de l'Est, c'est de la dictature, c'est de la violence, c'est de la domination. Donc on n'en veut plus. Autrement dit, vous, Allemands de l'Est, vous êtes des citoyens qui vous êtes fait soit berner, soit dominer par le Parti communiste. Donc on ferme vos musées. On ferme vos usines et maintenant vous allez vous conformer au modèle capitaliste libéral occidental. Et puis il y a une forme de domination économique, puisqu'il faut rappeler qu'aujourd'hui en Allemagne, et c'est beaucoup étudié, il y a quand même deux Allemagnes économiques. Il y a l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Les salaires sont beaucoup plus faibles en Allemagne de l'Est, généralement de 15 à 30% selon les domaines. Le chômage est plus important et surtout il y a quelque chose qui est très frappant et qui est masqué par le cas d'Angela Merkel, c'est qu'il n'y a aucun Allemand de l'Est quasiment, dans les positions de direction, y compris en Allemagne de l'Est. Direction de nombreux grands partis, direction des médias, direction économique. Il y a beaucoup moins d'Allemands de l'Est que d'Allemands de l'Ouest proportionnellement. Donc vous voyez, cette relégation économique, malgré tout, fait que certains se sentent des citoyens de seconde zone. Donc autrement dit, est-ce qu'il faut expliquer ce qui se passe aujourd'hui par le temps long ou par le temps court ? C'est un débat qui court avec beaucoup de virulence en Allemagne. Alors si on prend un temps un peu plus long, est-ce que vous pensez que vous accepteriez ce qui vous avait frappé lorsque vous étiez étudiant à Sciences Po et que vous aviez en face de vous un reconstructeur du Parti communiste et de la gauche qui était Pierre Juquin, qui disait en 88 « Les pays de l'Est, c'est le plus beau cadeau que l'on ait fait au capitalisme ». Est-ce que vous seriez d'accord avec lui, alors que vous aviez apprécié visiblement cette phrase qu'il avait prononcée devant vous et devant d'autres étudiants à ce moment-là? C'est une phrase qui m'avait beaucoup frappé en se demandant finalement est-ce qu'une tentative de créer un autre monde peut aboutir finalement à l'inverse complet. Alors, ce que j'ai vu quand même dans tous les entretiens que j'ai eus avec les Allemands de l'Est, c'est quand même la valorisation de l'héritage protecteur de la RDA. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui encore, c'est-à-dire que le système des crèches qui est beaucoup plus performant en Allemagne de l'Est et plutôt envié en Allemagne de l'Ouest. Donc j'aurais sans doute un regard un peu très différent. On était à la fin des années 80, les questions se posaient différemment. Mais j'écoute en tous les cas avec beaucoup d'attention ceux qui soulignent ce qu'ils avaient hérité de l'Allemagne de l'Est comme un point positif. Alors évidemment, comme historien, vous savez, on n'aime pas beaucoup le jugement. Mais disons que je suis attentif à essayer de comprendre Comment aujourd'hui on peut regretter ce qui, aux yeux de beaucoup, apparaît comme une dictature extrêmement une mort de dictature même, d'ailleurs. Oui, une dictature qui, et puis économiquement, qui n'a pas non plus réussi à s'en sortir. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est de... Moi, finalement, le plus intéressant pour vous répondre, c'est de dire, moi, ce qui me paraît fascinant, c'est tous les espoirs qu'ont mis beaucoup de la demande l'Est dans une autre Allemagne. La construction d'une Allemagne progressiste, de voir comment ces espoirs ont pu fonctionner et comment ils se sont abîmés. Et ça, je trouve que c'est quand même un questionnaire qui reste très valide. Et certains analystes de la situation dans le bloc de l'Est, et en particulier en Allemagne de l'Est, disent, tout compte fait, il y a aussi peut-être, vis-à-vis de cette résurgence d'un racisme dans ces territoires-là, quelque chose qui fait que on avait toujours en RDA, et beaucoup dans le bloc de l'Est, privilégié l'analyse par la classe, en considérant que l'analyse par la race et le genre étaient des caractères secondaires de cette première analyse par la classe. C'est-à-dire en ne mettant pas en avant justement que race, genre, effectivement, et classe pouvaient aller ensemble, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je dirais que c'est un débat extrêmement contemporain, parce qu'il y a encore des gens qui, sans rien avoir avec l'Allemagne de l'Est, soutiennent ça, en disant qu'il y a trop de... en quelque sorte, dans les débats intellectuels, on donne trop à l'identité pensée par rapport à l'identité de classe. J'ai eu encore ces débats, il y a peu de temps, le colloque en hommage à Gérard Noiriel, grand historien de ces questions, de l'immigration, de la classe ouvrière. Nous l'avions reçu à cette occasion-là, d'ailleurs. Et Gérard Noiriel, il y a eu encore ce débat-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on donne pas trop à des identités qui peuvent paraître subsidiaires aux yeux de certains par rapport aux identités professionnelles, aux identités de classe, aux identités sociales ? Donc le débat que vous posez, il n'est pas propre à la RDA, il est propre à une approche sociale de l'histoire ou à une approche marxiste de l'histoire, et à mon avis, il se pose aujourd'hui. Il y a des gens qui considèrent que c'est encore superficiel et que finalement, ce qui détermine la position de l'individu dans la société, hein, c'est pas uniquement son genre ou sa couleur de peau, mais finalement son inscription sociale. Donc le débat, là, il est proprement actuel. Merci beaucoup Nicolas Hofstadt d'être venu ouvrir cette série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux figures de l'internationalisme à l'occasion de la parution de votre livre Le Pays Disparu sur les traces de la RDA paru chez Stock. Vous avez une journée consacrée à l'urbex, donc oui, à cette exploration urbaine que vous organisez. Oui, le 18 octobre à la Sorbonne, on peut trouver ça sur le site de l'IHMC, l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine. On va organiser une réflexion d'ensemble avec des géographes, avec des archéologues pour se demander, est-ce que les historiens et les sciences sociales peuvent utiliser tous ces lieux abandonnés pour faire une forme de nouvelle histoire. Merci beaucoup. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Céline Leclerc. Nicolas Delmas était aujourd'hui avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture pour la télécharger ou l'écouter sur votre ordinateur. Vous l'avez fait très nombreux la semaine dernière pour notre série sur la guerre de 30 ans. Et si vous voulez réagir à cette émission ou à toutes les autres, n'hésitez pas à aller là aussi sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore à nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter, c'est Fabrique FC.